Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Celui que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je vais te dire, il va appeler à l'existence l'enfantement. Toi qui n'enfantes pas, ça fait plus de 5 ans que tu t'es marié. L'Éternel va te donner un enfant et tout le peuple, ta famille, saura qu'il y a un Dieu tout puissant qui change la stérilité en fécondité. Réveille-toi, réveille-toi, nous sommes dans notre deuxième journée de jeûne de prière spéciale Jéricho. Rêve ton voisin, rêve ton mari, rêve ta femme. Nous sommes à OSB. Le thème du jour, c'est porter des fruits dignes de la repentance. Notre passage de base, c'est Matthieu 3, 8 à 9, Luc 19, 1 à 10. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Nous allons d'abord lire notre premier passage, Matthieu 3, 8 à 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Lisons Luc chapitre 19. 1 à 10, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée s'étonna devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Porter des fruits dignes de la repentance. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je suis chrétien. Je suis baptisé. Je suis confirmé. Je suis diaconesse. Je suis président de maman. Je chante à la chorale. » Mais on ne voit pas réellement de transformation réelle. Quand on parle de la repentance, en grec, « métanoïa », ça signifie que je change d'attitude, je change de comportement. Si j'étais un brigand, j'abandonne cette vie-là. Si j'étais un drogué, j'abandonne la drogue. Si j'étais coureur de jupons, je laisse cette vie-là. Si j'étais maîtresse de mari qui ne m'appartient pas, j'abandonne la débauche. Si j'étais PD, j'abandonne. C'est ça la repentance. Et on doit voir le fruit de la repentance. Quand je dis que je me suis repenti, il faut que je porte des fruits dignes de la repentance. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, portez des fruits dignes de la repentance. Nous voyons l'exemple de Zachée ici, dans Luc chapitre 19. La vie de Zachée devrait nous interpeller et nous donner trois leçons ci après. Première leçon, c'est que quel que soit le niveau social d'une personne, elle a besoin de Jésus-Christ. Toute personne, qu'il soit PDG, qu'il soit ministre, président de la République, commandant de l'armée, ambassadeur, fonctionnaire international, Tu as besoin de Jésus-Christ. Souvent, lorsque nous voyons quelqu'un qui est hautement placé, nous nous sentons complexés parce qu'il a une grosse villa, il a des comptes en banque et nous allons seulement chez eux pour demander l'argent. Non, mon frère. Lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas Christ, même s'il y a des milliards, mais il a besoin de Jésus. Nous voyons ici, Zachée était qui? Zachée était un chef de publicains. Les publicains, c'était des gens de mauvaise vie qui étaient détestés à l'époque. Mais c'était des gens qui étaient des fonctionnaires, qui étaient des collecteurs d'impôts. Ils travaillaient pour l'administration romaine. Et à cette époque, Rome dominait sur Israël. Donc les juifs, les vrais juifs là, considéraient les publicains comme étant des traîtres, des gens qui travaillaient pour l'occupant. Et puis, ils prélevaient le surplus des impôts. Par exemple, si on demande pour les impôts, on demande par exemple 50 000 francs et ils ajoutaient par exemple 60 000 francs. Les 10 000 francs là qu'ils ajoutaient, c'était pour eux. Donc c'était des voleurs. C'est comme ça qu'ils s'enrichissaient. Donc c'était des gens de mauvaise réputation. Et Zachée, c'était leur chef. C'est l'équivalent ici en Côte d'Ivoire des directeurs généraux des impôts. Il n'était pas n'importe qui. Mais le texte dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez? Le verset 2 dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cela veut dire quoi? Malgré tout ce qu'il avait comme compte bancaire, malgré ses maisons, malgré ses richesses, il sentait en lui qu'il lui manquait quelque chose. Je vais parler à quelqu'un. C'est peut-être la première fois que tu entres dans OSB, tu entres dans cette semaine de jeûne, de prière. C'est ta femme qui t'en a parlé, mais j'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus. Regarde comment tu as peur. Tu es en insécurité. Au bureau, les gens te disent qu'il y a des ennemis. Des gens qui sont partis voir les marabouts. Il y a quelqu'un qui t'a proposé même de chercher un marabout. Tu n'as pas besoin de marabouts. Jésus-Christ est puissant. Viens à Jésus-Christ. Il te manque quelque chose. Ton argent ne peut pas te racheter. Tes maisons ne peuvent pas te racheter. Ton poste, ton pouvoir ne peut pas te racheter. Le loge mystique où on t'invite là ne peut pas te racheter. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il sentait en lui un besoin. Il a entendu parler qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'est pas comme tous les autres. C'est quelqu'un qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui transforme les vies. Il cherchait à les voir. Donc, toute personne a besoin de Jésus-Christ. La deuxième vérité est qu'il n'est pas toujours facile à quelqu'un qui occupe une position élevée dans la société de s'humilier pour rencontrer Jésus, parce que il y a plusieurs obstacles qui vont se dresser sur son chemin. Mais il faut le courage, il faut l'humilité, comme ce fut le cas de Zachée. Le texte dit ici, verset 3, « Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. » Premier obstacle qui empêchait Zachée de venir voir Jésus, c'était d'abord sa taille. Il était de petite taille. Je ne sais pas toi qui m'entends. Je ne sais pas, peut-être que tu souffres d'un complexe. Peut-être que c'est ta taille. Peut-être que les gens te disent, oui, c'est vrai que tu es chef, mais tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Il y avait une foule. Il y a une foule d'amis, peut-être, lorsque tu veux aller à l'église, lorsque tu veux venir à la messe, les gens te disent, non, vraiment, il faut rester. Tu sais, ce n'est pas bien. Il y a une foule, parfois, qui nous entoure. La foule des amis. La foule des membres de famille. Parce que tout le monde est dans le fétichisme. Lorsque tu veux te convertir, tu veux venir à Jésus, il t'empêche. Et comme il y avait cet obstacle, qu'est-ce que Zachée a fait? Le verset 4 dit, il courut en avant. Je vais dire à quelqu'un, tu dois braver ces obstacles-là. Imaginez, Zachée pouvait dire, mais les gens vont se moquer de moi. Un directeur général des impôts, on le voit courir au milieu d'une grande foule. Les gens vont se dire, mais c'est quoi? Est-ce qu'il est devenu fou ou bien quoi? Mais il faut un courage. C'est ça l'humilité. Si tu veux voir la gloire de Dieu pendant ce temps de jeûne et de prière, humilie-toi, laisse tes titres de côté. Humilie-toi, réconcilie-toi avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais Dieu dit, si tu t'humilies, il va manifester sa gloire dans ta vie. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Et lorsque Zachée a couru pour voir Jésus, il est monté sur les sycomores. Les sycomores étaient un type d'arbre qu'on plantait le long de la route. Comme Jésus devait passer par là, il est monté sur les sycomores. Et le verset 5 dit, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Vous voyez un autre obstacle? Les sycomores. Les sycomores représentent pour nous aujourd'hui la religiosité. Vous savez, il y a des gens qui sont montés sur les sycomores de la religiosité. Quelqu'un dit, moi, je suis déjà baptisé. Moi, je suis de l'église catholique. Je suis de l'église SEMA. Mes parents sont des diacres, des diaconesses. Moi, j'étais déjà à l'école des dimanches. Mais on ne voit pas réellement des transformations. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils sont sur les sycomores. C'est-à-dire, ils voient Jésus seulement un peu de loin. Mais ils ne l'ont pas encore rencontré personnellement. Je dis à quelqu'un ce matin, descends sur ton sycomore là, de religiosité. Chaque fois qu'on t'invite pour rencontrer Jésus, toi tu donnes toujours des excuses. Oui, j'ai ma Bible, oui, je suis à l'internet, je fais ceci, cela. C'est le sycomore. Vous voyez, Zachée était sur le sycomore. C'est vrai, il voulait voir Jésus, mais il n'avait pas encore rencontré Jésus de manière personnelle. Il était sur le sycomore. C'est pourquoi Jésus dit, descends du sycomore. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant ce temps de jeûne, si tu veux voir la gloire de Dieu, descends de ton sycomore, parce que Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus veut entrer dans ton bureau, là où tu as mis des fétiches, là où tu as mis des médicaments. Jésus veut entrer dans ta maison, tes affaires là, où tu penses que pour prospérer, il faut aller voir un marabout. Non, je sais que tes affaires sont tombées. Mais Jésus va relever tes affaires. Mais il veut que tu descends de ce sycomore où tu es monté. Et la dernière leçon, c'est que lorsque tu rencontres Jésus, il y a des transformations réelles. C'est ça le fruit digne de la repentance. Quand on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne. Lorsque Zachée est descendu de sycomore, la Bible nous dit au verset 8, « Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » La repentance, c'est ça le fruit de la repentance. Si tu as volé les biens d'autrui, tu rends aux gens. Tu partages les biens avec les pauvres. Tu accumules des comptes bancaires, regarde. Alors qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Zachée a compris que la vie qu'il menait, ce n'était pas une bonne vie. Il faut partager avec les autres. C'est ça aussi le fruit digne de repentance. Tu as volé le mari d'autrui, il faut rompre maintenant. Il faut dire à ce mari-là, il faut retourner chez ta femme. Si jusque-là tu avais des talismans, des choses attachées, des pentacles, des médailles bizarres qu'on t'a données, quand on se repent là, on les amène chez un pasteur pour qu'on brûle, on les brûle. C'est ça le fruit digne de repentance. Oh, que le Seigneur soit béni. Que Dieu nous aide à porter des fruits dignes de repentance. Nous allons les louer en chantant ces cantiques. Merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom. Ton nom nous donne la joie, Seigneur. Ton nom nous donne la paix, Seigneur. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la vie, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, le roi de gloire, le Dieu qui transforme les vies. Il est digne, Jésus-Christ Nazareth. Élevons nos voix, bénissons son saint nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière spécial OSB Jéricho 2016. Le thème du jour, c'est porter des fruits dignes de repentance. Nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Peut-être que c'est toi-même qui es élevé en dignité. Peut-être que c'est ton mari, ta femme, ton chef, ton boss, quelqu'un que tu connais. Mais il a les difficultés de venir à Jésus, de s'humilier comme Zachée l'a fait. Prions pour que la grâce de Dieu se manifeste, afin qu'il soit touché et qu'il vienne à Jésus-Christ. Qu'il puisse braver tous les obstacles qui se dressent devant eux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Très excellent Père, le ciel et la terre t'appartiennent et tout ce qui s'y trouve. Toi qui disposes ainsi de toutes choses et qui nous les donnes chaque matin, nous t'exprimons notre reconnaissance, nous t'exprimons notre action de grâce pour tous ces privilèges que tu nous accordes. Ce matin, ô Père, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous ceux qui occupent des postes de responsabilité et qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous prions au Père dans le nom de Jésus et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu interviennes afin qu'ils puissent se tourner véritablement vers toi. Nous prenons autorité contre toute forme d'orgueil. Nous prenons autorité contre toute forme de hauteur. Nous prenons autorité contre toute forme d'aveuglement spirituel. Et nous déclarons qu'ils sont liés au nom de Jésus. Nous proclamons leur délivrance et que l'accès de ta parole apporte la lumière dans leur vie. Père éternel, manifeste-toi dans leur vie afin que non seulement ils soient des responsables, mais qu'ils soient des responsables humbles, qu'ils soient des responsables qui promeutent les valeurs de ton royaume, qu'ils soient des responsables voués au bien de leurs subalternes et de toutes les populations dans le nom de Jésus. Merci Père pour l'esprit d'humilité, l'esprit de pardon que tu accorde à tes enfants. Merci Père éternel pour ce privilège exceptionnel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont montés sur leur sycomore. C'est-à-dire, ils disent, moi je pars à la messe, je pars à l'église, mais on ne sent pas réellement la transformation. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils sont dans la religiosité. Il combine, tantôt il vient à l'église, tantôt il va dans le mysticisme, il va voir le fétichisme. Ils sont des sycomores. Ils peuvent être diacres, diaconesses, anciens de l'église. Ils chantent à la chorale, président des laïcs. Prions pour qu'ils puissent descendre des sycomores, qu'ils puissent faire une rencontre réelle avec Jésus. Et si toi qui m'entends, si tu sais que tu n'as pas encore rencontré Jésus, ouvre ton cœur et dis à Jésus, moi je vais te rencontrer comme Zachée t'a rencontré au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis ton nom, élevez ton nom, magnifiez ton nom, te psalmodier pour tous tes bienfaits dans notre vie. Ce matin, nous voulons te recommander nos frères, nos sœurs, beaucoup d'entre nous qui sont encore religieux, qui vivent encore sous la domination de la chair. Oh notre Dieu, notre Père, qui sont des chrétiens de dimanche, des chrétiens qui viennent chaque Noël, chaque fête de Noël, chaque fête de Pâques, chaque fin d'année et le reste du temps, ils vaquent à leurs occupations, à autre chose que de t'adorer. Seigneur, nous t'en supplions, ce sont nos maris, ce sont nos enfants, nos collègues à qui nous parlons de toi. Ô Seigneur, nous t'en supplions que leur cœur soit touché, que leurs âmes soient touchées, que leurs pensées soient renouvelées. Nous te demandons ce matin, afin qu'ensemble, nous t'invoquons, nous te prions, nous lisons la Bible ensemble. Nous partons ensemble dans la maison de Dieu qui soit engagée. Ô Seigneur, souviens-toi, n'as-tu pas dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons ensemble être sauvés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à porter des fruits dignes de la repentance, comme ce fut le cas de Zachée, qui est des choses qu'on abandonne, que nous puissions partager avec les autres. Si nous avons eu des problèmes avec quelqu'un, que nous puissions nous réconcilier, que nous puissions réparer le tort que nous avons causé à autrui. C'est ça le fruit digne de repentance. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. De toute ta miséricorde, Dieu, oui, bon Dieu qui nous aime. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, Seigneur, je voudrais te recommander nos cœurs. Je voudrais te recommander les vies de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont du mal à pardonner, qui ont fait du tort, qui ont causé des torts, qui ont été des sujets de scandale et qui n'arrivent pas à pardonner aux autres et qui n'arrivent pas à se pardonner. Seigneur, Zachée a reconnu son péché et il est venu à toi, à Christ. Père, nous aussi, nous voulons abandonner l'adultère, les pensées malsaines, la fornication, le vol, le mensonge. Nous voulons abandonner les vices de ce monde. Nous voulons les délaisser. Nous voulons nous repentir sincèrement. Nous voulons, Seigneur, les délaisser. Oui, les abandonner entre tes mains. Et que ton sang nous purifie. Et que ton sang nous lave. Nous sommes à tes pieds. Aie pitié de nous. Libère quelqu'un, Seigneur notre Dieu, de ce péché, de cette affaire bizarre qui la tourmente. Nous te faisons confiance. Merci de nous accueillir. Merci de nous amener à notre prochain niveau. Merci de nous délivrer, de nous bénir, de nous guérir. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que le livret de jeûne et de prière est disponible à 500 francs. C'est ce livret qui vous permet de bien prier selon les thèmes. Ayez chacun son livret. Voici les passages supplémentaires à méditer pour cette journée. Luc 3, 8 à 14. Luc 3, 8 à 14. Actes 19, 18 à 20. Et Éphésiens 4, 17 à 32. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. C'était OSB. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons